À propos d'une loterie, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. À propos d'une loterie. Je ne suis pas millionnaire, loin de là. J'ai des créanciers. 500 000 francs en bonne affaire, disais-je en prenant 3 billets. Car, sans être trop optimiste, il se peut que mon numéro sorte le premier sur la liste. Ah, si je gagnais le gros lot! D'abord, je solderais mes dettes. Mes créanciers, tout étonnés, acquittant mes notes complètes, contrôleraient les ordonnées. Puis, je voudrais à ma maîtresse faire un éblouissant cadeau, au moins digne d'une comtesse. Ah, si je gagnais le gros lot! À l'aveugle à voix glapissante qui tend la main au carrefour, à l'orphelin, la mendiante, je donnerais 2 sous par jour. Je soulagerais la misère, mais n'irai pas fort peu dévot grossir le denier de Saint-Pierre, même ayant gagné le gros lot. Avec mes amis en bombance, je passerai de gais instants, et les vins généreux de France alterneraient avec les chants. Oh, les bonnes et franches cuites nous prendrions tous! Quel assaut de maux de tête et de pituites! Je n'ai pas gagné le gros lot. Fin de « À propos d'une loterie », lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.